Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, les Rapides de Dolbeau-Mistassini jouaient ce matin contre à 8h le matin contre la formation de Turmel. Et belle victoire pour les Rapides par la marque de 6-0 contre Turmel-Est. À noter que Thomas Girard a marqué 3 buts. Julien Savard, 1 but et 2 passes. 1 but également pour Alexis Tremblay. 2 passes pour Étienne Maltais et également 2 passes pour Thomas Dubé. Maintenant, hier, les Rapides de Dolbeau-Mistassini étaient également en action et la formation de Richard Fortin avait perdu 4-3 contre le Grand-Duc Richelieu. C'est une équipe qui est basée à Sorel-Tracy. À noter dans le match que Charles-Olivier Lemieux, Alexis Girard et également Nathan Fortin avaient marqué les buts. Les Éperviers de Normandais, eux, étaient en action hier. Et pour les Éperviers, ben, ça a été une défaite de 5-3 contre Phoenix. À noter que dans le match pour les Éperviers, que Philippe Pêcheur a marqué un but, et aussi que Yannick Tremblay a marqué un but, et également, notons qu'un autre but aussi pour David Gagnon, les Éperviers qui vont jouer également aujourd'hui. Maintenant, on va parler que trois femmes de Dolbeau-Mistassini vont faire une aventure tout à fait exceptionnelle qui aura lieu au Maroc. Ils vont marcher entre 16 et 23 kilomètres au mois de novembre prochain. Le but, évidemment, c'est d'amasser des fonds contre le cancer du sein. En entrevue sur les ondes de danadiosport.com, l'une d'entre elles, Guylaine Lalancette, a parlé évidemment du côté du côté du but et comment est venue l'idée pour ces trois femmes de participer à l'exercice. On va l'écouter là-dessus. C'est des sous pour justement pour le cancer du sein puis pour les enfants du désert. Okay. Mireille Martin, là, avec une amie. Ah oui, fait oui, que je comprends. OK, de là vient Mireille et également une Madame Gauthier aussi, là. Oui, c'est ça. Okay. Puis là, Mireille, je parlais à Mireille de son expérience parce que je trouvais beau ce qu'elle avait fait, les sous qu'elle avait ramassés pour une bonne cause. Mm. Puis là, elle m'a parlé justement du trek. C'est une marche qui est dans le désert. Le défi, au lieu de le faire en camion, en 4x4 ou autre, le défi est fait à la marche. Fait quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, eh mon Dieu, que ça, c'est quelque chose qui vient me chercher, qui m'intéresse, parce que c'est un beau défi physique. Puis, en plus de ça, on peut le faire pour une bonne cause. C'est sûr que c'est un défi qui va demander de sortir de notre zone de confort. Mettons. Et ce sera un défi qui sera pas facile. Mais je me dis, ça vaut la peine de le faire pour une bonne cause. Fait que moi, j'en ai parlé à Denis Simard, à Marlène Laliberté, mes deux grandes amies avec qui je vais faire des montagnes. Souvent, on va marcher en montagne. La Lancette nous parle évidemment de l'entraînement que ces trois femmes ont à faire pour se préparer pour la grande aventure. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va s'entraîner sur les plages parce que là, on va marcher dans du sable mou. OK. Sur une bonne distance. Fait que on a commencé nos entraînements. Alors, on fait de la nage, puis il faut des différents terrains. Parce qu'il peut y avoir du sable mou, ça peut être des terrains rocailleux. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'on va faire des marches, dans le sable. On va essayer de s'habituer à la boussole aussi. Puis on va aller en montagne. Là, au mois de mai, on a des montagnes de prévues. On veut faire le défi des 5 sommets. Ça, c'est un défi qu'il y a à Charlevoix où tu vas monter. Il y a 5 montagnes à monter en laps de temps déterminé. Fait que nous, on va faire le défi des 5 sommets. Si des montagnes, ça dépend, ça peut être des montagnes de 8, 10, 12, 14, 15, 16 kilomètres, tout dépendant de la montagne qu'on va aller monter. Mais nous, on va aller aussi, c'est ça, on va faire beaucoup de marches en montagne pour nous préparer. OK, ben c'est sûr, j'imagine. Oh. Vous aurez Guylaine Lancette mentionne qu'elle et son équipe n'ont pas vraiment peur. Ben non, pas vraiment, parce que écoute, c'est quand même une organisation sérieuse, okay. Structurée. Il y a des médecins donc qui vont rester au campement avec un hélicoptère. On a comme une puce sur nous autres que si jamais, mettons, ils peuvent pas nous perdre de vue. Eux, c'est désert, donc c'est un espace désertique. Il faut quand même marcher plusieurs kilomètres. Ils sont en mesure de voir à quel endroit on se situe là. On a comme une puce GPS, une puce sur nous. Okay. Fait qu'ils savent où qu'on est en tout temps. S'ils sont pour nous perdre de vue, là, ils vont venir nous récupérer. Mais c'est ça, là. Il semblerait que c'est une organisation qui est très, très bien structurée. C'est sûr que... Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Marcel Dugas qui lance un livre sur le passage de Jackie Robertson à Montréal. Guylaine Lancette vient nous parler de son expérience qu'elle va faire, elle et deux de ses copines, de marcher au Maroc dans le désert pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. Et vous pouvez également écouter une autre entrevue dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional à danradiosport.com, son équipe.